إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شر السنة: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ركبة الإسلام من عنقه وكان ضلا مللا. الإمام البربهاري رحمه الله تصنيف شر السنة il dit fait partie de la sunna de se conformer à la jama'a. Quant à celui qui se retire de l'jama'a, et on expliquera c'est quoi l'jama'a, et qui se sépare de l'jama'a, il a enlevé le collier de l'islam autour de son cou. وَكَانَ ضَمَّنْ مُلِلًا. Et il devient ainsi égaré, et il fait partie de celui, de ceux qui égarent. Il devient ainsi égaré, il fait partie de ceux qui égarent. قوله فمن السنة لزوم الجماعة ما دام الأمر كذلك وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. السنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة أي لزوم جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق. Sachez que, comme on a mentionné auparavant, l'islam, c'est la sunna. Et la sunna, c'est l'islam. Et qu'on ne peut marquer une différence sur cela, ou les différencier. Il y a différentes sortes de sunna. Et parmi ces différentes sortes, c'est ce qu'a ramené l'imam al-Barbahari, rahimallah, فمن السنة لزوم الجماعة. D'être avec الجماعة, d'être conforme à la جماعة. Quelle جماعة? لزوم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين. Ce qui est connu, المراد بالجماعة هنا, qu'est-ce qu'on appelle الجماعة? Est-ce que c'est un groupe de musulmans quelconque? Non, il a une particularité ce groupe. جماعة المسلمين الذين على الحق, qui sont sur la vérité. C'est un groupe de musulmans qui ne sont pas sur le haq, sur la vérité. Ils ne sont pas al-jama'a. Ils ne sont pas al-jama'a. أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية. كل جماعة اجتمعت على الضلالة أو على منهاج مخالف الإسلام للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. شيخ صالح الفوزان قال: quant aux جماعات, les groupes parmi les musulmans qui ne sont pas sur la vérité, على الحق, لا على الكتاب والسنة ولا على التوحيد وعلى على السنة, qui ne sont pas sur la vérité, on ne les appellera pas al-jama'a. Ce ne sont pas eux al-jama'a, comme on dit ahl-sunnati wal-jama'a. Parce que l'imam Barbahari, rahimallah, il dit ici, famina sunna luzum al-jama'a, d'être avec al-jama'a, al-jama'a qui est à l'al-haq, et non pas celle qui est sur le faux. Donc toutes ces jama'at que l'on trouve dans la communauté musulmane, on ne peut pas les appeler al-jama'a, la vraie jama'a. Car toute jama'a, ijtama'at ala al-dalala, qui s'unit mais sur de l'égarement, sur du faux, ou ala manhaj mukhalif lil-islam, ou bien un groupe de musulmans mais qui se réunit sur des choses qui contredisent l'islam, ou ala tariqat mukhalifat lil-islam, ou bien qu'ils ont décidé de se mettre sur un chemin qui n'est non conforme, qui n'est pas conforme à l'islam, fala tusamma al-jama'a al-haqiqiyya, on ne peut les appeler al-jama'a, la vraie jama'a, celle qui est demandée, qui est convenable. فالجماعه المراد هنا هم اهل الحق وليس من لازم ذلك ان يكونوا كثيرين بل لو كان واحدا على الحق فانه يسمى جماعه. فالجماعه هي من كان على الحق, الجماعه من كان على الحق هو اهل السنه والجماعه. Lorsqu'on dit Al-Jama'a, et ceux qui évoluent, ce sont ceux qui sont sur la vérité. Et non pas ceux qui sont les plus nombreux. Et non pas ceux qui sont les plus nombreux. Il est erroné de dire que le groupe qui est le plus nombreux, c'est celui-ci qui est sur la vérité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, chaque communauté, chaque prophète viendra avec sa communauté. Puis le prophète Amin mentionne, viendra un prophète avec un nombre entre 3 et 10 personnes. Puis viendra un prophète avec 3 personnes, 2-3 personnes. Puis viendra un prophète seul. Donc s'il vient seul, ça veut dire que personne ne l'a écouté dans sa da'wah. Personne n'a répondu à sa da'wah. Da'wah tout ila tawhid. Alors est-ce qu'on va dire que c'est le prophète qui est dans le faux parce qu'il est tout seul? Bien sûr que non, il est forcément dans la vérité, c'est un prophète d'Allah. Donc c'est bien la preuve ici dans ce hadith que ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux, ce groupe-là, qu'ils sont sur la vérité. وقال حسن البصري رحمه الله تعالى يا أهل السنة كنتم قليلا وستكون قليلا. حسن البصري رحمه الله سلطان, il disait, ô vous les gens de la sunna, vous étiez peu et vous saurez peu. Donc c'est bien la preuve que parmi les signes de Ahl Sunnah, des gens qui sont à la Sunnah parmi les musulmans, parmi leurs sifat, leurs attributs, c'est qu'ils sont peu. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés Al-Ghuraba, les étrangers? Pourquoi? Parce qu'ils sont peu. Pourquoi un étranger? Un étranger, lorsqu'il se fait voir rapidement, il se fait remarquer rapidement. Pourquoi? Parce que dans un groupe, personne ne le connaît. Tout le monde se connaît, mais lui, personne ne le connaît. Il est étrange. Il ne fait pas les choses comme nous. Celui-là, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de notre ville ou de notre pays ou des choses comme ça. Et Al-Sunnah, ceux qui sont accrochés à la Sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés comment? Alors là-bas, les étrangers. Ils appellent à dire, annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Ils deviennent étrangers à cause de la Sunnah, tellement les gens ont abandonné la Sunnah. Que lorsque lui, il vient avec la sunna, alors il le voit comme un étranger. بَلَوْ كَانَ وَاحِدًا عَلَى الْحَقِّ فَإِنَّهُ يُسَمَّ جَمَاعَةً. Même s'il est seul sur la vérité, à lui seul, il porte le nom de Al-Jama'a. يعني Al-Sunna Al-Jama'a. Et c'est ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, en vérité. Il a dit, même si tu es seul, mais tu es à la haq, tu es à la sunna, c'est toi à la sunna, tu es au jama'a. Et comme il disait le salaf, rahimahullah, وَيْنَ رَفَضَكَ النَّاسِ. Il t'messou bis sunna, وَيْنَ رَفَضَكَ النَّاسِ. Accroche-toi à la sunna, même si les gens te délaissent. Tant que tu es à la tariqati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah azza wa jalla est satisfait de toi par cela, alors Alhamdulillah, reste là-dessus, même si les gens te délaissent. Et ne suis personne d'entre eux, comme ils ont des salafs, même même si tu le vois marcher sur l'eau, ne le suis pas, s'il est par la sunna. Même si tu le vois marcher sur l'eau, ne le suis pas. Reste à l'al-haq, à la sunna. لزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها يعني عن هذه الجماعة والاختلاف في عليها donc être conforme à cette jamaa, faire partie de cette jamaa, c'est quoi? C'est de ne pas sortir de cette jamaa, أهل السنة, de rester avec les gens de sunna, d'être sur le chemin de la sunna et de ne pas la contredire, cette jamaa. Ensuite, qu'est-ce qu'il a mentionné l'imam al-Barbahari, rahimallah? Celui qui se sépare de cette jama'a, il a enlevé le collier de l'islam autour de son cou. Il est connu qu'à l'époque de Quraysh, les Arabes mettaient des colliers à leur bétail et ils les accrochaient tous les uns avec les autres, afin que le troupeau il reste uni. Afin que le troupeau il reste uni. Chaque bête avait un collier autour de son cou et il y avait une chaîne qui passait comme ça dans les colliers, afin que toutes les bêtes soient réunies. Qu'elles font? Un seul groupe, al-jama'a. C'est pour ça qu'il a ramené cet exemple-là. Celui qui farq al-jama'a, qui quitte al-jama'a, il enlève ce collier. Ainsi, il n'est plus dans le groupe. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire ça, les bergers, d'accrocher les bêtes de cette manière-là, afin qu'elles soient groupées, et que le loup ou la bête sauvage n'approche pas ce troupeau. Car il est connu que la bête sauvage, elle ne saute pas comme ça dans un troupeau. Elle essaie d'attirer un, et elle l'attrape. Quand il est seul. Voilà pourquoi il a ramené cet exemple, et ce hadith, en vérité, puisque c'est tiré d'un hadith du prophète, de ne pas laisser al-jama'a, parce que celui qui l'a délaissé, c'est comme s'il enlevait ce collier. Et il décide de quitter al-jama'a, qui est à l'al-haq, pour faire son chemin tout seul. Or, s'il fait son chemin tout seul comme la brebis égarée, alors certes, la bête sauvage l'attrapera et elle le tuera. Ainsi, celui-ci qui quitte al-jama'a, il quitte al-sunna, il s'égare de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne wa kana dallan mudillan. Non seulement il s'égare de ce troupeau, donc il ne prend plus ce chemin qui est à l'al-haq, mais en plus, il commence à faire son propre parti et il commence à égarer les autres. Soyez avec le jama'a, car la main d'Allah est au-dessus de le jama'a. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق قال له حذيفة رضي الله عنه ما تأمرني إن أدركني ذلك le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit à حذيفة بن اليمان رضي الله عنه alors qu'il est en train de parler du temps de la الفتن والتفرق que la communauté se divisera, qu'il y aura des périodes de troubles dans la communauté. Alors Hudayfa lui a dit, que me recommandes-tu si cela m'arrive, si je tombe à cette époque où la communauté se divisera et où les troubles vont commencer à arriver? قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Accroche-toi à la jama'a wa imamahum, ainsi que leur imam. Cela montre quoi? Que le jama'a, elle ne peut être une jama'a que par deux conditions. أن يكون منهجها الكتاب والسنة. ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان بل الكتاب والسنة. Premièrement, que cette jama'a, elle soit sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bifam sahih, bifam salaf, radiallahu ta'ala anhum, à la compréhension qu'elle soit sur le Coran et la Sunna. Si une jama'a n'est pas à l'al-kitab ou à la Sunna, laysa bi jama'a. Hizbiya. Hiya hizbiya. Si ce groupe-là n'est pas sur le Coran et la Sunna, aqidatan wa minhajan, alors, on ne peut pas les appeler Ahl-Sunnati wal-Jama'a. On ne peut même pas les appeler Al-Jama'a, parce qu'ils ne sont pas sur le Coran et la Sunna. Automatiquement, ils deviennent quoi? Al-Hizbiyya. Un parti, parmi d'autres partis. Thaniyan, an yakuna laha imamun muslimun yaquduha wa tarji'u ilayhi. Wa qala Shaykh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, la yumkin أن تجتمع جماعة بدون إمام لا بد من إمام يكون مرجعا لها ولهذا قال لحذيفة النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم s'est pas arrêté avec la جماعة non وإمامهم soit avec la جماعة il suit leur imam il suit leur imam. Il n'est pas possible qu'une jama'a soit une jama'a si elle n'a pas quelqu'un à sa tête. Est-ce qu'on peut avoir salatul jama'a sans imam? Yumkina? Dans quelle mosquée on a vu où il y a une jama'a? Salatul jama'a, là on parle de salat, sans imam. Où est-ce qu'on a vu salatul jumu'a wa khutbatul jumu'a sans imam? Ça existe? Ça n'existe pas. Il faut toujours un imam. Il faut toujours une tête vers qui les gens reviennent. Dans une maison, il y a Rabbul Bayt, comme on dit en arabe, Rabbul Bayt, le seigneur de la maison, le maître de la maison. Celui qui est à la maison, le père de famille est là, il prend ses décisions. Où est Rabbul Bayt? Dans une entreprise, est-ce qu'on a une entreprise sans patron? Ça existe? N'existe pas. Il y a toujours une tête. Pourquoi? Afin que les gens reviennent à lui dans leurs affaires. Et que bien sûr, lui, il soit juste avec eux. Est-ce qu'on a vu un pays sans représentant? Un pays, il a un représentant. Il a un président ou un roi. Un rat. Il y a une tête qui représente son peuple. Sultan. Une jama'a. Elle ne peut pas être al-jama'a si elle n'est pas premièrement al-kitab et al-sunna, ou thaniyan si elle n'a pas d'imam. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Hudhayfa. Quand il va venir, quand vont venir les périodes de troubles, al-fitan, هذا الزمان, زمان الفتان, بلا شك. Et on y est dans le zaman al-fitan. Tafarruq bayna al-muslimin. Et quand il y aura la division parmi les musulmans, il lui a donné le remède. Va avec le jama'a wa imam. Et leur imam. Et reste avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'al-kitab wa sunna et qu'ils ont quelqu'un pour les diriger. Mais ça ne s'est pas arrêté là dans le hadith. قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ. Mais si je ne trouve pas le jama'a, voilà imam, et pas d'imam. Yani, je tombe dans un groupe qui ne sont pas à l'al-kitab ou à sunna. Il faut qu'il y ait deux. S'ils sont à l'al-kitab ou à sunna, ils n'ont pas d'imam? Non. S'ils ne sont pas à l'al-kitab ou à sunna, ils ont un imam? Non. Jusqu'à ce qu'ils soient à l'al-kitab ou à sunna et qu'ils aient un imam. Parce que Nabi Sam, il n'a pas dit ça ou ça. Il a dit ça et ça. Donc, Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'est-ce qu'il a dit? Si je trouve ni ça, si je trouve pas ça, qu'est-ce que je fais? Qal, ta'tazil tilk al-firaq. Et là, tu vois que Nabi Sam, il ne l'appelle plus le jama'a, ce groupe-là. S'ils n'ont pas ça, yani, tu les délaisses. Tu délaisses ce groupe qui est divisé et qui a divisé. Al-firaq. Il ne l'a plus appelé al-jama'a. Al-firaq, il l'a appelé. أمره أن يعتزل تلك الفرق فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين ولا يكون مع جماعة غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite dans l'explication sur Salah al-Fawzan? Ainsi, le prophète lui a ordonné de délaisser ce groupe-là et qu'il ne soit qu'avec Jama'at al-Muslimin, qui sont à l'Al-Kitab et au Sunnah, mais qui ont un imam. Et qu'il ne soit pas avec toutes ces Jama'at, au pluriel, tous ces groupes, qui sont autres que Jama'at al-Muslimin, Al-Sunnah et Al-Jama'at, les gens de la Sunnah et du groupe. بل يبقى وحده على الحق même s'il faut qu'il reste seul sur la vérité et bien c'est lui Al-Jama'a à lui tout seul parce qu'il est sur la vérité. Ce qui compte ce n'est pas le nombre, ce qui compte c'est d'être sur la vérité, sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur le Coran et la Sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, jusqu'à ce que la mort lui parvienne, jusqu'à ce que la mort lui parvienne. فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق ولا يكونون جماعة إلا بشرطين أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع وطاعة فهذا منهج المسلمين وهذا هو السنة التي يشرعها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. واضح. Les choses sont claires. هذا هو المنهج. Il y a dans cela, dans ce hadith du prophète والسلام avec Hudhayfa ibn Yaman, il lui a montré le منهج dans les périodes de le fitan, période de trouble, les gens ne savent plus quoi faire, il y a la division, qu'est-ce qu'on fait, qui on suit. Il lui a montré que l'homme ne peut pas être avec toutes ces jama'at, tous ces groupes qui contredisent la voie de la vérité, et que eux ne peuvent pas être une jama'a non plus tant qu'ils ne sont pas sur le Coran, la voie du Coran et de la Sunna, et sur la voie de nos pieux prédécesseurs, et qu'ils n'ont pas à leur tête un imam musulman, et ils n'auront pas, il n'y a pas de religion sans jama'a, et il n'y a pas de jama'a sans imam, et il n'y a pas d'imam sans lui obéir et l'écouter et lui obéir. Bismi wa ta'a ta'atu sultan illa fi ma'siyati ar-rahman, l'obéissance au gouverneur sauf dans la désobéissance à Allah. Hada manhaj al-muslimin. Voici ce qu'est le chemin des musulmans. C'est le chemin de la sunna. Voilà ce qu'a expliqué l'imam al-Barbahari rahimallahu ta'ala par cette parole. وَكَانَ ضَلًّا مُدِلًّا ضَلًّا فِي نَفْسِهِ عَنِ الطَّرِيقِ وَمُدِلًّا لِغَيْرِهِ ضَلًّا فِي نَفْسِهِ مُدِلًّا لِمَنْ اقْتَدَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين. والمؤمنين في هذه الآية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين، يعني سبيل الصحابة، سبيل السلف، ولا يخالفهم ولا يشد عنهم. Ainsi il devient celui qui enlève ce collier de son cou et ainsi qu'il se sépare de la jama'a, qu'il ne veut plus avec, qu'il ne veut plus aller avec la sunnah wal jama'a. Celui-ci devient égaré, il s'est égaré lui-même du droit chemin et en plus il a égaré les autres. Il a égaré ceux qui se sont conformés à ce que lui il dit et non plus les textes, et il les a égarés, ils se sont égarés parce qu'ils sont sur la même voie que lui et ils l'ont suivi Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné celui qui s'est détourné du messager d'Allah, qui a décidé de suivre une autre voie que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui soit parvenue, et qui suit, وَيَتَّبِعْ غَيَّرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, qui suit qui un autre chemin que celui des croyants. Les croyants ici dans ce verset, c'est As-Sahaba. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être autour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est la preuve ici que dans le verset, pour être avec le messager d'Allah, il faut suivre As-Sahaba. Tu ne peux comprendre cette religion que si tu passes par les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, wa radiallahu ta'ala anhum. Ainsi, il est obligatoire pour le musulman qu'il suive le chemin des croyants, c'est-à-dire le chemin des compagnons du messager d'Allah, et qu'il ne les contredit pas, qu'il ne se détourne pas d'eux. S'il fait ça, tarak al-jama'a, il a certes délaissé al-jama'a. Wa qala shaykh al-suhaymi, habibullah ta'ala, man tarak al-jama'a, fa huwa mubtadi'. Celui, Cheikh Suhaymi, Hafidhahullah Ta'ala, alim min ahli sunna fil Medina, il a dit, celui qui se sépare de Jama'a, celui-ci est un innovateur. Wa qala al-mu'allif, rahimahullah, l'imam al-Barbahari, rahimahullah, wal-asasu alladhi tubna alayhi al-Jama'a, les bases sur lesquelles sont basées al-Jama'a, le groupe, هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ils sont qui? Ils sont les compagnons du messager d'Allah, عليه الصلاة والسلام, رضي الله تعالى عنهم. ورحمهم الله أجمعين. وهم أهل السنة والجماعة. Et qu'Allah leur fasse miséricorde, tous, أجمعين, tous. Et ils sont eux, les gens de la Sunna, والجماعه الجروب فمن لم ياخذ عنهم فقد ضل وابتدع. Celui qui ne prend pas d'eux et qui ne s'accroche pas à eux, celui-ci s'est certes égaré et a innové. وكل بدعه ضلاله والضلاله واهلها في النار. Et toute innovation est un égarement. Et l'égarement, ainsi que les gens de l'égarement, sont au feu. La parole de l'imam al-Barbahari, rahimahullah. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة, من هم الجماعة الذين هذا شأنهم, هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله تعالى عنهم. ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة, هؤلاء هم الجماعة. ومن اقتدى به من المتأخر من المتأخرين, هؤلاء هم الجماعة الذين يحب يجب الذين يجب على المسلم أن يكون معهم. Qui sont الجماعة؟ Sont les compagnons du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, ainsi que ceux qui sont venus après eux, من التابعين, c'est-à-dire ceux qui ont vu les compagnons mais qui n'ont pas vu le prophète sallam et qui sont morts sur la même croyance. Wa atba'a tabi'in, ainsi que ceux qui ont suivi la troisième génération, c'est-à-dire ceux qui ont vu tabi'in mais qui n'ont pas vu les compagnons du prophète sallam et qui sont morts sur cette croyance, c'est-à-dire la belle génération, ces trois générations. Ceux-là sont Al-Jama'a, ils représentent le groupe, ainsi que ceux qui sont conformes à eux dans les temps et les générations qui suivent après. Ceux qui les suivent, jusqu'à même aujourd'hui, ils sont Al-Jama'a, tant qu'ils sont à l'Al-Haq. Donc voici qui sont Al-Jama'a, sur laquelle le musulman est obligé d'être avec eux. وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. et Allah Azza wa Jalla a bien mentionné, pour mentionner le bienfait de ses compagnons, les premiers, ainsi que ceux qui ont immigré, ainsi que l'Ansar, ceux qui étaient fait Médine, ainsi que de ceux qui les ont suivis dans le bien, bi ihsan, dans le bien, al-tuhid wa al-sunnah, radiallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah. Ils sont satisfaits d'Allah dans le sens où ils ont trouvé ce qu'Allah leur avait promis comme récompense et comme sauvegarde. Ahad min salaf, il a eu une conversation un jour avec Ahad min al-Mubtadi'in, avec un innovateur. Il lui a ramené ce verset. Il lui a dit, « Wassabiqoun al-awwaloun » les premiers, parmi les premiers. Parce qu'il essayait de lui faire croire que la bid'a c'est bien, et que le fait d'innover, ça ramène des choses bien chez les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ce genre de choses, parce qu'on fait des efforts. Alors il lui a dit quoi ? Il lui a dit, « Wassabiqoun al-awwaloun » min al-muhadirin » les premiers parmi ceux qui ont immigré. Laisse ta minhum. Tu ne fais pas partie d'eux. Il ne faisait pas partie de cette génération. Il lui a dit, tu ne fais pas partie d'eux. Wal-ansar. Est-ce que tu fais partie de l'ansar ? Il lui a dit, non. Il dit, tu ne fais pas partie d'eux toujours. Wal-ladina tabi'ahum bi ihsan. Quant à ceux qui les ont suivis dans le bien, tu n'en fais pas partie. Donc tu ne rentres pas dans le verset. Car Allah tabaraka wa ta'ala ne peut être satisfait de quelqu'un qui innove dans la religion d'Allah. C'est Sahih al-Bukhari, Kitab al-Fitan. Kitab al-Fitan. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahmallah, l'imam al-Bukhari, rahmallah, il ramène ce chapitre, le chapitre des troubles qui touchent la communauté. Il ramène les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là où se trouve son bassin. Là où se trouve son bassin, ce bassin dont les musulmans pourront boire. On est sallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana minhum wa li dhurriyyatina wa azwajina wa ikhwanina. Ce bassin où le musulman, lorsqu'il boira, n'aura plus jamais soif. Bien sûr qu'il boira au paradis, mais au paradis, il boira par plaisir, non plus par besoin. Alors que là, lorsqu'il boit le haoud, le bassin du prophète, le fait qu'il boit cette chose-là, ce qu'elle contient, plus blanc que le lait, hein, il n'aura plus jamais soif. Puis vient un groupe de personnes parmi la communauté du prophète, et on leur interdit de boire. Seulement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les voit, qu'est-ce qu'il dit ? Hum ashabi. Ashabi. Laisse le ma'na ashabi, ashabu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ashabi, yani, min ummatina. Min ummati. Il dit, c'est mes compagnons, mais pas dans le sens en parlant de Bakr, wa Omar, wa Othman, wa Ali, wa radiallahu anhum, wa sahaba. Non. En parlant d'eux, ils font partie de ma communauté. Pas tomber dans ce piège-là, parce qu'Ar-Rawafid, Shia, ils prennent ce hadith-là pour dire, vous voyez, les compagnons du prophète, ils ne boivent pas le bassin du prophète, ils vont au feu. A'udhu billah. Istadillou nabi hadha al-hadith. Bissahar al-Bukhari. Istidal ba'dl. Wahum ahlul nar. Wahum ahlul bid'a wal-hawa. Was-sahaba min ahlil jannah. Radiallahu ta'ala anhum. Dans une autre riwaya, il dit Ummati, Ummati. C'est ma communauté. Yani, comment cela se fait-il qu'ils soient interdits de boire de mon bassin, alors que ce bassin-là, il est pour ma communauté. Dans une autre version, ils font partie des miens, ils font partie des miens. Ma tadari, ma ahdatha ba'dak. Tu ne sais pas celui-là, qu'est-ce qu'il a. Ou men ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont ramené de nouveau. Baddalou fi riwaya. Ce qu'ils ont remplacé après toi. Ainsi, il aurait interdit de boire du bassin. Et on les emmène en enfer. Hum, ahlul bid'a wal hawa. Ainsi, l'innovateur est celui qui suit ses passions en délaissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui préfère suivre une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa religion, il ne boira pas le bassin du messager d'Allah. Cela lui sera interdit. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit ça, qu'est-ce qu'il dit ? Éloignez-les de moi, éloignez-les de moi. Allez, je ne veux plus les voir. Éloignez-les. Pourquoi ? Parce que maintenant, il est informé qu'ils ont innové dans la religion d'Allah après lui, sallallahu alayhi wa sallam. وقوله أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار لأنهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين ونقلوه لنا فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فالذين يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام. Ils ont, الصحابة رضي الله عنهم, entouré le message d'Allah. Ils l'ont aidé dans la da'wa. Ils l'ont soutenu. دعوة إلى التوحيد, دعوة إلى السنة. Ils l'ont défendu. Ils ont donné leur vie pour garder cette religion. Ils sont le seul moyen d'atteindre le message d'Allah, عليه الصلاة والسلام. Donc lorsque quelqu'un veut détruire l'islam, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe les liens entre la communauté et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, les gens ne peuvent atteindre le messager d'Allah puisqu'ils n'ont plus accès aux compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Car l'héritage de la science, il l'a laissé à qui ? Il l'a laissé aux sahaba. Son manhaj, manhaj al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé à qui ? الصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قال الشيخ الربيع حفظه الله تعالى في الشرح الحديث عليكم بمنهجي ومنهاج الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي soyez sur la sunna, la sunna des califs bien guidés, dans le sens où soyez sur ma voie et la voie des califs bien guidés après moi. ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة الصحابة. سنتهم. C'est la même sunna. C'est pour ça qu'à l'époque de عثمان رضي الله عنه, à cause de عبد الله بن سبا اليهودي المنافق qui venait du Yémen, il a commencé à insulter عثمان au début en secret. Il a atteint certains musulmans parmi les faibles. Il a réussi à les ramener avec lui en commençant à insulter qui ? Uthman. Il a voulu couper le lien entre la communauté et qui ? Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Parce qu'il savait que s'il coupe ce lien, il coupe le lien qui mène au messager d'Allah, qui mène au tawhid, qui mène à la sunna. Alors il a commencé à insulter Uthman jusqu'à ce qu'il ait combattu Uthman, radiallahu anhu. Puis il a commencé à dire de Ali ibn Abi Talib, et à appeler les gens vers Ali ibn Abi Talib, mais dans l'exagération, disant qu'il était bien, qu'il était même Allah. Et Ali ibn Abi Talib, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit cela, il les a brûlés, et même dans le feu, il disait, alors Allah, il n'y a aucun doute, tu es bien Allah, car seul Allah châtie par le feu. Subhanallah. الشيعة الروافد ceux qui insultent les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام qui appellent leur chien بكر بالمعنى أبو بكر صديق qui boivent du vin du pas du vin mais qui boivent du sang et qui disent bois le sang de Omar ibn Khattab qui écrivent en dessous de leurs chaussures Abu Bakr wa Omar yani moi je marche sur eux أدنهم الله. Et après, des gens parmi les musulmans, ils disent « Hum arrijal »« Hum ashab al-hawa »« Hum kadi'a » Eux sont des hommes qui insultent Aïcha radiallahu anha en disant qu'elle a fait zina, wa li'adhu billah. passent leur temps à insulter les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق aimer mes compagnons parmi les Ansar fait partie de la foi aimer les compagnons fait partie de la foi et les détester fait partie de l'hypocrisie رضي الله تعالى عنهم ولهذا قال الإمام بربهاري رحمه الله أجمعين tous sans exception tous sans exception الصحابة ainsi celui qui veut détruire l'islam il s'en est pris aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam aujourd'hui est-ce qu'il peut porter atteinte aux compagnons du prophète alayhi salam oui par l'insulte et par la langue corporellement il ne peut plus rien faire Ils ont tué Omar ibn Khattab pendant la prière, où il l'a poignardé dans le dos, et il en est mort. Radiallahu ta'ala anhum. Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, ils les ont tués. Et ils s'en sont pris aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, afin de couper les liens entre la communauté et le messager d'Allah. محمد رسول الله هذه الشهادة منهج المنهج المنهج الصحيح. Si tu coupes, tu ne peux pas atteindre محمد رسول الله sans passer par الصحابة. Et tu ne peux pas atteindre لا إله إلا الله sans passer par محمد رسول الله. C'est pour ça que الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى il disait كل مبتدع tout innovateur est un empêchement aux gens, aux musulmans, d'atteindre le tawhid. D'atteindre quoi ? La ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, c'est l'aqida, c'est le tawhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est le tawhid. Mais le seul moyen qui permet d'accéder à la ilaha illallah, c'est Muhammad al-Rasulullah. Al-manhaj al-salim. Manhaj al-sahih. Tariqatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. الدعوة إلى الله عقيدة ومنهاجا dans la voie dans la عقيدة il faut que tu aies la même عقيدة que le prophète صلى الله عليه وسلم il faut que tu aies la même croyance que lui or l'innovateur il n'est plus sur محمد رسول الله il appelle un autre chemin que محمد رسول الله même s'il le dit lui-même ainsi tu ne peux plus atteindre عقيدة التوحيد voilà pourquoi ils s'en sont pris à l'époque aux compagnons du prophète sallam jusqu'à aujourd'hui ils s'entraînent aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en les insultant et pour ceux qui n'insultent pas les compagnons du prophète sallam puisqu'il y a des jama'at qui n'insultent pas les compagnons du prophète sallam mais qu'est-ce qu'ils font ils insultent l'ulama sunna ils insultent les savants étant donné qu'ils ne peuvent pas insulter les compagnons parce que celui qui insulte un compagnon qui va le suivre Quelqu'un qui est dans une mosquée ici n'a cet Abou Bakr Siddiq. Qui va le suivre cet homme-là ? Personne ne va le suivre. Tout le monde va le délaisser. Donc il ne va pas insulter le Sahaba, mais il va insulter le ulama, les héritiers dans la science, des prophètes, et qui ont été eux-mêmes des compagnons du prophète sallam, jour après jour et siècle après siècle jusqu'à aujourd'hui. Il va insulter le ulama. Parce qu'en insultant le ulama, il coupe le lien entre la communauté. Et le prophète sallam et ses compagnons. Parce que le seul qui peut te ramener sur cette voie-là, ce sont les savants. Warathatul Anbiya, les héritiers des prophètes. Donc il va attirer les gens de la communauté, non plus vers les ulama de sunnah, mais vers les ulama de bid'ah, ulama de balal, qui sont des savants, mais qui sont égarés, et qui n'ont pas la bonne compréhension du manhaj. Ou de la croyance. Ils bloquent un accès et ils les renvoient vers un autre chemin. Et on les envoyant vers des do'at, des prêcheurs ou des chouyours qui sont sur un autre chemin que celui du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. قطع السلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة. Donc leur but a été de couper ce lien entre Sabirin et Lawalin, parmi les premiers, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la communauté, jusqu'à ce qu'ils égarent la communauté. فهم يريدون أن يقطعوا سلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته. Ainsi, ils ont voulu couper le lien entre le messager d'Allah et sa communauté. Voilà ce qu'était donc leur but. وهم أهل السنة والجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم الذين تبعهم بإحسان هم أهل السنة أي أهل الطريقة الصحيحة وهي السنة التي يشرعها في هذا الكتاب. Les compagnons du prophète sallam qui sont venus après et ceux qui les ont suivis dans le bien sont les gens de la sunna. Ils sont les gens du chemin authentique qui est cette sunna qu'a voulu expliquer l'auteur dans ce livre. Sharh as-sunna. Qui explique et donc il va, qui explique, il compte, qui explique là maintenant dans son livre, Sharh as-sunna. L'explication de la sunna, c'est quoi la sunna? Et que la sunna, c'est pas seulement manger de la main droite ou de dormir du côté droit ou sortir du pied droit, rentrer du pied droit à la mosquée et sortir du pied gauche. La sunna, c'est bien plus vaste que ça. Ittiba' as-sunna fil 'aqida fil manhaj fi kulli shay. C'est ça, ittiba' as-sunna. Suivre la sunna, c'est dans tout, même dans la croyance et le chemin à suivre. Wa hum al-jama'ah al-haqiqiyyah. Amma ijtima'u ghayrihim 'ala umur al-batilah. فهؤلاء لا يسمون الجماعة وإن كانوا عددا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Qu'est-ce qu'il a dit Allah عز وجل? Tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés. الإخوان المسلمون هذه الجماعة فرقة الضالة. Ils ont une qa'ida, qui est, ils ont une règle, qui est de regrouper les musulmans. On avance sur ce qu'on s'entend, on avance tous ensemble sur ce qu'on s'entend, là où on n'a pas de problème. Et là où on ne s'entend pas, on se tait. Sinon on va se diviser. Sinon on va quoi? Se diviser. Tu les crois réunis, alors que leurs cœurs sont divisés. الله تبارك وتعالى أعلم منا أعلم من الخلق تبارك وتعالى لأنه هو الخالق العليم الخبير الحكيم جل وعلا. الله عز وجل connaît sa création. Il sait très bien qu'il y aurait des divisions. Il dit à son prophète sallam, tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés. Pourquoi est-ce qu'ils sont divisés leur cœur? Parce qu'ils ne sont pas à al-kitab wa sunnah. Et comme on a vu dans le muqaddimah de l'imam al-Bardahari, qu'est-ce qu'il avait dit? Que cette jama'a, cette umma, ne peut être unie que par l'aqidat al-sahiha. Que par la seule croyance unique, aqidat al-tawhid. La ilaha illallah. Qu'est-ce qui nous unit tous, les musulmans? C'est la ilaha illallah. Comment c'est que quelqu'un devient notre frère dans la religion? C'est qu'il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est l'aqida wa manhaj, la croyance et le chemin à suivre, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui nous unit. Et à partir du moment où tu délaisses ces deux choses-là, alors tu as enlevé ce collier. Tu veux faire ta route tout seul. فَالْجَمَاعَةُ مَنْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ. La jama'a, ce sont ceux qui sont sur la vérité. فَالَّذِي يَقُولُ. Quant à celui qui dit أَنَا مَعَ الْحِزْبُ الْفُلَانِ هَذَا الْحِزْبُ جَمَاعَةَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إِلْزَمُ جَمَاعَةَ الْجَمَاعَةَ وَهَا هُنَهِ جَمَاعَةَ. Quant à la personne qui vient et qui nous dit moi je suis tel parti, le parti d'un tel, et ce parti-là c'est le jama'a. Et vous dites qu'il faut suivre le jama'a, ben moi voilà, je suis le jama'a. Je les suis. Ce groupe-là. فَنَقُولُ لَهُمْ مَنْ قَالَ لَكُمْ إِنَّهَا هُنَهِهُمُ الْجَمَاعَةَ. Qui vous dit que ce groupe-là c'est le jama'a? Que c'est eux, Ahl-Sunnah wa Jama'a? Yani sur quoi vous vous êtes basé pour dire que ce groupe-là, c'est Ahl al-Sunnah wal Jama'a? فنقول له من قال لكم إن هؤلاء هم الجماعة الجماعة من كانوا على الحق من كانوا على السنة هؤلاء هم الجماعة الجماعة بارك الله فيك c'est ceux qui sont sur la vérité c'est ceux qui sont على الكتاب والسنة c'est ceux qui sont على السنة et toute personne qui sort de la sunna ne fait plus partie de la sunna wal jamaa كيف يقول أن جماعة التبيع إخوان المسلمين مثلا أو جماعة التكفير والحدديون والمعتزلة والقدرية إلى آخره هم الجماعة هم أهل السنة والجماعة كم يفتح تطبق في الطقس إذا أهل السنة والجماعة سيكون خديز أهل السنة والجماعة avec quoi vous avez jugé que ces gens-là font partie de l'Ahl Sunnah wal Jamaa avec quoi vous avez jugé que tel groupe il fait partie de l'Ahl Sunnah wal Jamaa et que c'est eux l'Ahl Sunnah wal Jamaa بالرأي avec une vision des choses ou bien avec le Coran et la Sunna. Comment vas-tu savoir ce groupe s'il est vraiment sur le Coran et la Sunna? Et en allant voir dans le Coran et la Sunna leurs attributs, leurs sifat, pourquoi on les appelle? Vous savez quand on dit Ahl Sunna, Ahl Shirk, Ahl Kufr, Ahl Bid'ah. Ici le mot les gens de, la chose qui suit la parole Ahl, elle les définit. Quand on dit Ahl Kufr, les gens du Kufr, ça les définit. C'est-à-dire qu'on les a reconnus par quoi? Par Al-Kufr. Ahl-Shirk. Pourquoi ils appellent comme ça? Ahl-Shirk. Ahl-Kitab. Les gens du livre. Allah les a appelés comment? Ahl-Kitab. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un livre. Allez, vous dans le Nassar. Comment on les reconnaît? Parce qu'ils ont reçu un livre. Parce qu'Allah Azzawajal a parlé d'eux. Les juifs et les chrétiens. Avec tel attribut, tel attribut, tel attribut. Ahl-Sunnah. Pourquoi on les appelle Ahl Sunna? Parce qu'on voit chez eux les traces de la Sunna. Parce qu'ils parlent comme les gens de la Sunna. Et ils parlent avec la Sunna. Ils parlent avec l'Islam. Ils parlent avec Allah Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Akhwan al-Salaf. Akhwan al-Ulama. C'est comme ça qu'on les reconnaît comme étant Ahl Sunna. Quant à celui qui dit Nahnu Ahl Sunna, on voit pas Sunna. لا يدعو إلى التوحيد لا يدعو إلى السنة ويدعو إلى الضلالة on voit pas les traces de sunna il ne parle pas avec la sunna il ne parle pas avec des textes il parle pas avec l'adilla ce n'est pas toute personne qui se dit d'être de Ahl Sunna qu'il est min Ahl Sunna et bien sûr les gens te diront oui mais dis subhanallah il dit les vérités et alors ليس من قال الحق أنه على الحق. Ce n'est pas la personne qui dit une vérité qu'elle est sur la vérité. في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم il a choisi un compagnon et lui a dit tu gardes les biens de Zakat al-Fitr. Tu les gardes. Tu laisses personne toucher à ça. Durant la nuit il y a quelqu'un qui est venu il lui a dit ما أنت. Il lui a dit qu'est-ce que t'es toi? Dans une certaine version il a vu que la personne avait quoi? À la place des mains, une patte de chien. En réalité, c'était un djinn. Et un djinn, lorsqu'il prend l'apparence humaine, il a cette chose-là, il a une partie du corps qui ressemble à un animal. Il lui dit, qu'est-ce que t'es, toi? Il lui dit, je suis une famille pauvre, donne-moi un peu de même. Il lui dit, non, le prophète m'a interdit de donner, je ne donne pas. Le lendemain, il va voir le prophète Sassam, il lui explique qu'est-ce qui s'est passé la veille. Le prophète lui a dit, il reviendra ce soir. Il est revenu une deuxième fois. Il est revenu une troisième fois. Ou la troisième fois, il lui a dit, je te donne quelque chose en échange. Il lui a dit quoi? Je te donne un dhikr, du'a, que si tu le dis avant de dormir, les diables ne t'approcheront pas jusqu'au matin. Il sait de quoi il parle, c'est un djinn. Il va voir le prophète le lendemain, il lui explique. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète? Le menteur t'a dit la vérité. C'était un diable. Est-ce qu'un diable, il est sur la vérité? Non. Et pourtant, il lui a dit une vérité. Parce que ça, c'est mentionné dans la sunna, de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir, afin d'être protégé des shayatines. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas parce qu'il dit une vérité qu'il est sur la vérité. C'est pas parce qu'il parle de, temps en temps de sunnah de tawhid que ça est forcément il a la tawhid ou la sunnah. La sunnah elle se prouve. ثم قال المؤلف رحمه الله فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. Quand à celui qui a délaissé, qui ne prend pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est égaré et a innové. من لم يأخذ دينه عن الصحابة فليس هو على الحق. Il ne prend pas sa religion des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci ne peut pas être sur la vérité et il n'est pas sur la vérité. فقد ضل يعني ضاع عن الحق وابتدع والبدعة ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث أخرجه مسلم والبخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Qu'est-ce que l'innovation? L'innovation, c'est une chose que tu vas considérer comme étant une adoration. Toi, tu le considères comme une adoration. Ou une croyance. Ou une parole sur laquelle il n'y a aucune preuve, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète. C'est pour ça que Nabi Sam, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements, c'est quoi les enseignements du prophète? Qui fait la sunna. فهو رد يعني مردود عند الله. Elle sera rejetée. Rejetée par qui? Par Allah. Parce que toi, tu ne dois pas adorer Allah comme toi tu le veux. Tu dois adorer Allah comme Allah l'a voulu. Est-ce qu'on va jeûner le mois de Ramadan en dehors du mois de Ramadan? Subhanallah. Ijma' al-muslimin. Il y a ijma' al-muslimin sur cette chose-là. Le mois de Ramadan, on le jeûne pendant le mois de Ramadan. C'est pas nous qui allons choisir en disant, bah tiens, on va jeûner le mois de Ramadan 10 jours avant. Non. Est-ce qu'on va faire 6 prières obligatoires? On va dire, bah nous, on va se rapprocher d'Allah encore plus. Les gens en font 5, nous, on va en faire 6. T'as le droit de faire ça? Non. C'est qui le législateur? C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Si Allah il a mis 5, c'est qu'Allah Azzawajal, il sait la sagesse d'en avoir mis 5. S'il n'a pas mis 6 ou 4, Allah Azzawajal, il sait très bien pourquoi. Nous avons entendu, nous avons obéi. Il y a 5 prières, on fait nos 5 prières. Pourquoi est-ce qu'on va changer? La da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné à son prophète comment faire da'wah. C'est quoi la première chose à laquelle tu appelles? C'est la ilaha illallah. Alors pourquoi toi tu viens et tu décides d'appeler à autre chose que la ilaha illallah en premier? Comme le fait de dire le tawhid, comme il est enseigné dans les mosquées ou dans les livres des savants, c'est trop académique, c'est trop scientifique pour les gens. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, al-asma al-sifat. Le fait d'expliquer que l'unicité d'Allah, c'est le rendre d'unicifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, qu'il est le seul créateur, le seul roi dans son royaume, le seul qui gère son royaume comme il le veut, quand il le veut, de la manière qu'il le veut, subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire que on adore Allah seul, sans rien lui associer, de bien distinguer ses formes de tawhid. Le fait de mentionner, d'unifier Allah dans ses noms et dans ses attributs, et de ramener des règles qu'il ne faut pas dépasser dans les noms et les attributs d'Allah. De ne pas le faire ressembler à une créature ou autre, ou autre, ou autre. Et bien ça, c'est trop académique. Et les gens ne comprennent rien à ça. Et c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, ils les laissent la aqida. Ils n'apprennent plus la aqida. Parce que vous ne vous occupez pas de la spiritualité de la personne. Vous avez délaissé son âme. Tarbiyatun nufus. Est-ce que tu seras en train de nous dire que le tawhid, il a un manquement dans l'éducation? C'est ça que tu es en train de dire? Que le tawhid, comme il a été enseigné depuis les compagnons du prophète jusqu'à aujourd'hui, dans les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme l'Aqidatul Wasitiyya, dans les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, Kitab Tawhid, wa Kashf al-Shubuhat, et l'Aqiri, dans les livres de Cheikh ibn al-Uthaymeen, dans les livres de Cheikh al-Albani, de Cheikh ibn Baz, l'ulama al-Kibar, dans les livres de l'imam Ahmed ibn Hanbal, de son fils Abdullah, Kitab al-Sunnah, dans le livre de l'imam al-Barbahari, Rahmanullah, tu es en train de nous dire que dans ces livres-là, il n'y a pas l'éducation de l'homme. Et qu'il faut d'abord apprendre aux gens le bon comportement, qu'ils acquièrent d'abord un bon comportement, et après on leur apprendra le vrai tawhid, le tawhid ilmi. Jusqu'à ce qu'il ait dit Farid al-Ansari, Wamet, Rahimallah, un savant marocain, il a ramené cette forme de tawhid en disant que ce tawhid, il a un manquement. Le tawhid ilmi, c'est trop ilmi. Yani, les soufis, ils ont cette éducation de l'âme, mais ils n'ont pas de science. Et les gens de la sunna, ils ont la science, mais ils n'ont pas ce côté purification de l'âme, éducation de l'âme. Yani, ahlul kalam. Ça, c'est juste des paroles. Ahlul kalam, c'est ça, ahlul kalam. Qu'il wa qal. Taïb, aïna al-dalil. Aïna al-hujja. Ça sort d'où, ça? Abdullah ibn Mas'ud, mada qal. Man aslaha بين الله وبينه بين الله وبينه. Celui qui parfait sa relation entre Allah et lui, ça veut dire moi avec Allah. أصلح الله ما بينه وبين الناس. Allah va lui parfaire sa relation qu'il y a entre lui et qui? Et les gens. Donc ce qu'il y a autour de toi. Donc ton bon comportement avec les gens, il dépend de qui? De ton comportement avec Allah. Donc la tarbiyah, l'éducation, elle est dans le tawhid. Barakallahu fik, t'es en train de nous dire que les sahabas ne sont pas éduqués? Le prophète Sam, il est venu quoi? Il est venu pour dire quoi? Qu'Allah est fils-sama? Quraysh, il le savait qu'Allah il était fils-sama, qu'il était au-dessus du ciel. Les prophètes ne sont pas venus pour dire qu'Allah il a créé les choses et de regarder la splendeur. Non, ils sont venus pour dire comment adorer Allah et de délaisser tout le shirk que les gens font. Qu'ils retournent à Allah dans leurs adorations, et non plus vers des tombeaux, des statues ou des arbres, tout ce que tu veux. C'est ça le vrai tawhid. Mais ne dis pas que le tawhid, comme il est enseigné dans les livres des savants, que ce tawhid, il a un manquement dans l'éducation. Il y a tout dans le tawhid. Tawhid, c'est la ilaha illallah. Un musulman, s'il veut s'éduquer, il s'éduque avec la ilaha illallah. Avec sa aqidah. Et il ne voit que par ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que toute sa religion, elle est basée sur ça. Ahlul kalam, soufiya. Ça, c'est des soufis qui veulent se faire passer pour Ahlul Sunnah. En disant que faut différencier le tawhid et ça. Jusqu'à ce qu'il ait dit, Sami'atuhu. Jusqu'à ce qu'il ait dit quoi? Le mot tawhid, il n'existe pas, ni dans le Coran, ni dans la Sunnah. Billah. Le terme en lui-même, tawhid. Non, le terme tawhid dans le Coran, tu ne le trouveras pas. Le terme. Le sens, oui, mais le terme, non. Mais dans le hadith, c'est faux. Dans les hadiths, Akhraj al-Tirmidhi, قال النبي صلى الله عليه وسلم, من أهل التوحيد. وفي حديث, قال النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان أبوك على التوحيد, أو من أهل التوحيد. وعلى التوحيد باللفظ لو بروفيس ان لوي ميم الى منسوني سو مو التوحيد في الحديث والحديث صححه الالباني رحمه الله تعالى. Donc cette innovation, c'est quoi? Tu veux te rapprocher d'une chose, tu veux te rapprocher d'Allah. Pourquoi? Il n'y a pas tout ce qu'il faut dans la sunna pour pouvoir te rapprocher d'Allah. Le plus proche d'Allah, c'était qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme qui s'est le plus rapproché d'Allah, bit-tawhid wa sunnah. Alors est-ce que tu as besoin d'aller chercher ailleurs que chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu crois que toi tu peux emprunter un chemin meilleur que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que toi tu vas réussir à accéder à une chose que le prophète et les sahaba n'ont pas accédé? Comme ils disent al-rawafid, leurs imams, ils sont meilleurs que les anges rapprochés d'Allah et meilleurs que les prophètes. Bon, ils ont fait comment pour atteindre ce degré, subhanallah. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum min muhdathati al-umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Al-bid'ah ma uhditha fi ad-din wa huwa laysa minhu. Wa kayfa yu'rafu annahu laysa minhu? إذا لم يكن عليه الدليل فهو ليس من الدين، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل ولله الحمد، لا يقبل الزيادات، فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى فنتمسك به ونترك ما عداه من الزيادات والاستحسانات والإضافات وغير ذلك، لأنها تعبد عن الله جل وعلا. وسيأتي التوضيح أن من أحدث قوم بدعة، ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة. هذا هو الطريق الصحيح المستقيم، لزوم الجماعة ولزوم السنة والترك البدع. Et pour finir, disons aujourd'hui, le prophète Sam l'a dit, toutes les nouveautés, prenez garde aux nouveautés, aux choses nouvelles. On te dit, tiens, ça fais-le, c'est dans la région d'Allah. C'est nouveau ça. Car toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Ainsi, l'innovation, c'est ce qui a été rapporté de nouveau dans la religion d'Allah alors qu'elle n'en fait pas partie. Et comment savoir si cela est une innovation ou pas ? C'est ton droit en tant que musulman de demander à l'imam ou de demander à la personne qui t'a ramené cette chose-là, donne-moi la preuve. Je veux adorer mon Seigneur, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais donne-moi la preuve que ce que tu me dis là, qu'avec cette chose-là, je peux me rapprocher d'Allah. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal l'a montré dans son livre, le Coran ? Est-ce qu'il l'a montré dans la sunna de son messager d'Allah ? Si oui, et si compris à la bonne compréhension, alors je prends et je me rapproche d'Allah avec ça. Si c'est non, tu n'as aucune preuve sur ce que tu m'as ramené, alors je délaisse cette chose-là et pars avec cette chose-là toi-même. Quant à toi aussi, tu te dois de la délaisser. Et ne tombez pas dans le piège de ceux qui vous disent, quand tu lui dis, hadi bid'a, ça mon frère, c'est une bid'a, c'est une innovation. Il te dit, ramène-moi de Dalil la preuve que c'est une bid'a. Non, moi je ne ramène rien du tout. C'est à toi de me ramener la preuve que c'est bien dans le Coran, la sunna. Parce que justement, c'est une bid'a, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc ne me demande pas de t'en ramener une preuve. Ce qui est dans la région d'Allah, est-ce qu'Allah a caché une partie du Coran ? Non. Est-ce qu'Allah a caché une partie de sa religion ? Non. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah est enfin. Aujourd'hui, j'ai parachevé et complété votre religion. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, c'est ton droit en tant que musulman de demander la preuve de ce que mentionne la personne. La preuve. Dans les choses de la dunya, on demande bien des preuves. Hein? On demande des preuves. Toi, c'est toi qui m'as volé ça. Non, donne-moi la preuve que c'est toi, que c'est moi qui l'ai volé. Mais dans le dîn, tu ne demandes rien du tout. Tu prends comme ça et tu t'en vas. Les choses de ta religion, elles sont les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes. Être sur la sunna et sur le tawhid, sur la ilaha illallah, c'est la chose la plus importante dans ta vie. C'est ce trésor-là qu'il faut garder. Personne ne porte atteinte à cette chose-là. Personne. Même si tu commets des péchés. Même si tu commets des péchés. Comme il a dit l'imam Ahmed, rahimahullah, Qubur, Ahl Sunnah, Min Ahl al-Kabair, ou Min al-Kabair, Rawda, les tombes des gens de la Sunnah qui commettaient les grands péchés, mais ils sont sur la Sunnah, ils sont morts sur la Sunnah. Sont des jardins. Subhanallah. Au fils Sahih Muslim, Kitab, Az-Zakat, fils Sahih Muslim, Hadith Sahih, Kala Jibril, l'Innabi sallallahu alayhi wa sallam, Kala lahu, Bashar Ummatak, annonce la bonne nouvelle, Jibril dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, fils Sahih Muslim, vous le retrouverez dans Kitab Zakat, chapitre de la Zakat, dans le Sahih Muslim. Jibril dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, annonce la bonne nouvelle à ta communauté. Celui qui dit La ilaha illallah, qui n'associe pas Allah, il rentrera au paradis. Le prophète lui a dit, même s'il fait zina, il vole. Et Jibril lui répond, même s'il fait zina, il vole. Même s'il fait zina, il vole. Même s'il fait zina, il vole. Même s'il fait zina, il vole. Même s'il fait zina, il vole. جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأنه من أهل التوحيد، من أهل التوحيد، هو موحد لا يشرك بالله عز وجل، عقيدته صحيحة وليست عقيدة أهل البدع والهوى. إذا عقول جبريل مام سلفزينا مام سلفال مام سلفال لكم بقوة c'est ce توحيد qu'il a en lui qui va faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ces choses-là. Et il faut bien comprendre la chose lorsqu'il dit ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave si la personne elle le fait. Non. Hein? Ce n'est pas un appel à faire ces choses-là ou à minimiser ces choses-là. Non, c'est pour montrer la valeur du tawhid. Que l'insan, tant qu'il est à la tawhid ou à la sunnah, bi'idhnillahi ta'ala, tu peux espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera tes fautes. Continuons, inshallah, la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم.